Vous écoutez toujours Futur Simple et vous êtes bien sur CKRL au 89.1. Philippe Rioux nous propose maintenant un regard presque philosophique sur la vie. Pourquoi la vie existe-t-elle? Et pour y répondre, il faut non pas creuser au plus profond de la biologie, mais faire un détour par la physique. Bonjour Philippe. En fait, si on continue à creuser dans la biologie, on finit par aboutir à la physique aussi. Mais comme tu dis, il est bien possible que le monde assez descriptif de la biologie soit à l'aube d'un changement important. Il y a quelqu'un qui a publié en fait des théories de l'évolution. En fait, depuis la publication des théories de l'évolution par Darwin au 19e siècle, notre compréhension fondamentale de la vie s'est souvent résumée à répondre à la question du comment, une question à laquelle la découverte de l'ADN semblait répondre, mm-hmm. dans le sens qu'on se demandait comment que c'était encodé. Maintenant, on a découvert l'ADN, c'est bien. Mais il y a une autre question qui reste entière, c'est pourquoi? Ben oui. Ça, c'est moins évident. Oui. C'est beaucoup plus important aussi. Et donc, pourquoi l'inanimé tout d'un coup s'anime? Pourquoi les atomes s'assemblent, se connectent et s'organisent pour former des cellules, des plantes, des humains? Et en fait, il y a un physicien du MIT, M. Englund, un jeune professeur de 31 ans. Un physicien qui travaille plutôt en biochimie, en fait, pense avoir trouvé la solution, en fait, la réponse, et il travaille en ce moment à réellement le démontrer de manière solide. Et s'il a raison, la réponse à l'origine de la vie serait maintenant connue, en fait. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que la réponse à cette question nous vient d'un physicien. Pourquoi? Ouais, ben, en fait, disons qu'il est assez clair depuis un moment pour moi, en tout cas, que les sciences plus fondamentales comme la chimie et la physique détiendraient la clé de la vie et de son origine, surtout lorsqu'on commence à s'interroger sur l'origine de la vie au départ de matière inanimée, parce qu'on doit considérer les interactions entre un très petit nombre d'atomes et de composés, ce qui revient essentiellement à faire de la chimie, ou plutôt dans notre cas de la physico-chimie en fait. Alors, qu'est-ce que M. Englund propose de si innovateur? En fait, ce qui est vraiment... vraiment intéressant, en fait, c'est que c'est rien de nouveau. Il propose, en fait, un point de vue nouveau. Pour bien comprendre la portée de sa proposition, je dois, en fait, revenir sur le concept d'entropie. Les gens qui ont fait de la chimie au secondaire au cégep ont peut-être déjà le poil qui dresse sur leur dos. Au niveau universitaire. Alors, il y en a au cégep, l'entropie, malheureusement, ah oui. Définie par le symbole S en chimie, l'entropie. Ouais. Tout simplement, l'entropie, c'est la mesure du désordre. On va faire ça simple. Donc, une entropie, c'est la mesure du désordre. Imaginez une pièce dans laquelle vous avez 20 briques. Si les briques sont éparpillées au hasard sur le sol, dans la pièce, on dirait que son entropie, l'entropie de la pièce, est élevée, parce qu'il y a un désordre élevé. Si au contraire, les briques étaient soigneusement empilées deux par deux, une par-dessus l'autre, de 10 de haut, on dirait que l'entropie est très faible, parce que c'est une très forte organisation. Mm-hmm. En physique et en chimie, il y a les lois de la thermodynamique et ces lois-là, ils sont vraiment très fermes. Il n'y a vraiment aucune dérogation possible à ces règles-là parce qu'ils découlent aussi de la statistique. Et il y a une de ces lois qui dit qu'un système tend toujours vers une entropie maximale. Mm-hmm. Donc, si on laisse, par exemple, si vous laissez une pièce avec des enfants énervés, nécessairement, les objets vont finir au sol. Les objets ont tendance à se désorganiser. Ils n'ont pas vraiment tendance à se classer un à côté de l'autre sur les étagères de manière naturelle. Leur position naturelle serait plus au sol. Donc, si vous lancez 20 briques dans une pièce, il est statistiquement très improbable qu'elles atterrissent parfaitement empilées deux par deux, 10 de haut. Donc, si on suit ce raisonnement-là, on commence à comprendre que l'existence de la vie semble aller contre les règles de la thermodynamique. Mm-hmm. Les êtres vivants sont vraiment très organisés, alors qu'ils ne devraient pas, en fait. Uh-huh. Mais est-ce que ça veut dire que les règles de la thermodynamique sont erronées ou qu'elles ne s'appliquent pas à la vie? En fait, c'est quand même une question qui vaut la peine d'être posée. Le problème, c'est que les règles de la thermodynamique ont toujours été respectées dans dans tous les systèmes qu'on a étudiés. Et en plus, ils sont très simples. En fait, ils sont vraiment d'une élégance importante. Et en science, la simplicité et l'élégance d'une loi est souvent gage de sa vérité. Uh-huh. Si on regarde entre autres les équations de Maxwell au niveau du magnétisme, c'est l'élégance de ces variables-là qui ont indiqué qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une problématique au niveau de la relativité. C'est ça qui a amené Einstein à découvrir un peu la relativité. Et en fait, c'est que Englund, mais aussi d'autres personnes avant lui, ils nous invitent à considérer que l'organisation est favorisée si cette organisation-là favorise l'augmentation de l'entropie autour du système organisé. Donc, si elle favorise la désorganisation, finalement. Autour de lui. Donc, c'est comme une espèce de vase communicant. Il peut y avoir des déséquilibres localisés dans ce cas-ci. Donc, dans d'autres mots, pour exister, un système organisé doit consommer de l'organisation et générer du désordre. Mm-hmm. Donc, si on examine le problème de ce point de vue-là, on peut maintenant donner du sens à l'organisation des êtres vivants, mais aussi à l'organisation de structures qu'on ne considère pas, nous, vraiment comme vivantes, comme les dunes de sable, les tornades et les flocons de neige qui semblent aller encore contre les règles très simple de l'entropie. Donc, si je comprends bien, les formes de vie qui sont des structures bien organisées ne sont possibles que si du désordre est créé autour. Exact. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle façon de penser va à l'encontre des théories darwiniennes? Ben, en fait, ils vont vraiment pas à l'encontre des théories darwiniennes. Et le parallèle que j'aurais à faire, c'est que c'est ça la beauté du truc, c'est que selon Englund, le darwinisme serait un cas spécifique d'un principe plus général. Comme la physique newtonienne est un cas spécifique de la physique d'Einstein. De plus, cette théorie-là nous amène à brouiller la ligne entre le vivant et le non-vivant, en fait. Parce que je donnais l'exemple des dunes et des flocons de neige et des tornades. Mm-hmm. Si on les considère, les tornades, comme des systèmes organisés de dissipation d'entropie, comme un chat ou une bactérie, ben une tornade serait techniquement vivante, si on élargit la définition à ça. Uh-huh. Et pour revenir à notre question du début, qu'est-ce que cette théorie nous indique sur l'apparition de la vie? Encore un autre morceau vraiment important, c'est que si Englund a raison, la vie est une conséquence inévitable dans certains systèmes comme notre planète. Dans le passé, il y avait plusieurs scientifiques qui pensaient qu'il y avait une grande part de chance dans l'apparition de la vie. On entendait souvent la soupe primordiale avec l'espèce de coup d'éclair qui est venu juste au bon moment faire générer des réactions, etc. Englund dit tout simplement, il dit, si on a les morceaux de base et on a une source d'énergie, éventuellement, il va y avoir de l'organisation qui apparaît, puisque l'organisation va... pas toutes les organisations, mais une organisation qui favorise l'augmentation de l'entropie autour d'elle va être favorisée, donc va pouvoir également se reproduire. Et en fait, il travaille au niveau de systèmes moléculaires très simples pour prouver ce genre de principe-là. Okay. Et donc, la vie sur la Terre serait vraiment une avenue naturelle, serait une destinée inévitable. Donc ça donne vraiment espoir à l'idée d'un univers rempli de vie, parce que la Terre serait pas vraiment un cas spécifique ou un cas spécial, serait vraiment un cas plus général. Uh-huh. Donc, on a vraiment beaucoup d'espoir à trouver de la vie en dehors de la Terre si on suit ce principe-là. Un autre truc intéressant que cette théorie-là nous amène à considérer plutôt, c'est que il semblerait que l'ARN, en fait, qui est une forme de codage génétique primitif, mais qui est encore utilisé au niveau de l'ingénierie cellulaire aujourd'hui. Puis qu'on trouve dans les rétrovirus aussi. Exact. Mm-hmm. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que l'ADN, c'est comme le livre qu'on sort jamais à peu près de la librairie, sauf quand on en a besoin. Et l'ARN, c'est les photocopies qu'on se passe entre nous autres. C'est des systèmes plus... j'aime bien ton... Ouais, un peu moins durable, plus facile à faire, etc. Mais l'ARN, on soupçonne que ça soit arrivé avant l'ADN. Ah, okay. Et l'ARN, ce qui, selon les calculs d'Englund, serait vraiment un système efficace et simple de auto-réplication qui augmenterait énormément l'entropie. Et lui amène l'idée que tous les systèmes génétiques d'ADN et d'ARN seraient en fait la conclusion ou la finalité des systèmes vivants. Donc, que s'il y a des formes extraterrestres, les formes extraterrestres pourraient aussi fonctionner à l'ADN et à l'ARN, mais qu'ils auraient évolué de façon indépendante. Dans le sens qu'il y a peut-être d'autres systèmes de codage qui seraient apparus avant, qui est peut-être encore plus simple ou plus primitif, mais aussitôt que l'ARN embarque au niveau de son système entropique de dissipation d'entropie, il serait tellement efficace qu'il surplanterait tous les autres systèmes. Il y aurait, dans le fond, une espèce de sélection naturelle entropique qui s'installerait au niveau de ces systèmes-là. Donc, il n'est vraiment pas impossible que l'ADN, ça soit en fait le système de codage pour toute la vie partout. Si techniquement, c'est un système extrêmement efficace au niveau entropique de le faire. Mais toutes ces idées-là, en fait, comment elles sont reçues? Qu'est-ce qu'en pense la communauté scientifique? Je ne me fierais pas à l'opinion de quelqu'un qui a pas des connaissances quand même bonnes en physique et en chimie, dans le sens que c'est vraiment dans ce domaine, même si on parle de biologie, c'est des questions fondamentalement physiques, là. C'est ça. Donc, c'est, Sauf que lui s'intéresse à la biologie parce que les problèmes d'organisation les plus compliqués, les plus intéressants sont des systèmes biologiques parce que c'est de loin les systèmes les plus organisés, les plus avancés. Donc, il y a plusieurs qui sont excités avec ces résultats-là, ces nouveaux résultats-là. Puis, ce qui aiderait cette théorie-là à long terme, c'est que il y a pas vraiment, c'est pas vraiment de la nouvelle science, mais c'est plutôt un nouvel angle d'attaque. C'est plutôt, c'est comme, c'est comme plein de trucs qui étaient sous notre nez qu'on n'avait pas vraiment regardé sous cet angle-là. Et lui-même dit que il y a plein de systèmes d'auto-organisation et d'auto-réplication dans la nature qu'on n'a probablement pas considéré sous cet angle-là, qui soudainement vont être considérés par plusieurs scientifiques. Et ça commence déjà, en fait. Donc, on pourrait imaginer plein de scientifiques qui vont examiner les systèmes naturels sous cet angle-là pour confirmer ou infirmer les théories d'England. Mais entre-temps, England continue ses travaux, surtout sur des petites molécules, comme j'avais dit, mais il fait aussi des simulations. Il travaille aussi sur un système rigoureux mathématique, étant donné que c'est un physicien. Il veut descendre encore plus loin dans la fondamentale et aller chercher des systèmes mathématiques qui vont supporter ces idées-là. Mais moi, personnellement, je dois avouer que l'élégance de cette théorie est une théorie scientifique qui est très élégante et très simple et doit être considéré, en tout cas, ça c'est clair. En tout cas, c'est une perspective fascinante sur l'origine de la vie et de l'évolution. Oui, tout à fait. Merci Philippe, on passe en publicité. Au retour, on vous parle de morphine et de douleur. Restez avec nous sur CKRL au 89.1.